Cela se passait autrefois sur un écran noir et blanc sale, quand je croyais au cinéma les samedis de salle paroissiale. Cela se faisait en série après la vue d'amour trop longue. C'est Fu Manchu et Chino Tree qui firent que je me ronge les ongles. Dans les camps, lorsque le héros attaché par le cou sur la voie ferrée constate qu'il est abandonné et que le train va arriver. C'est pas vrai. Oui. Help somebody, help somebody. Je fais un rêve. Réveillez-moi. Réveillez-moi. Le train s'en vient. Le train va arriver. Cela se passa mille fois, cela se passa mille nuits, où je revivais les émois, les héros de l'après-midi. Cela se faisait dans ses vies, mon père me renvoyait au lit, je sombrais dans la folie, sous mes couvertures refroidies. Il y avait les ongles de Fu Manchu, il y avait ses yeux gros comme des choux, il y avait le train de tchou tchou tchou tchou. Il me descendait le long du dos. J'étais devenu le héros attaché attention. Sur la voie ferrée qui rentre dans le train arrivé. Oh non. Help somebody, help somebody. C'est pas un rêve. Oh, réveillez-moi. Je me suis trompé. Ah oui, alors comment? Le train s'en vient. Y arrive. Fonce sur moi. Non. Ok, rock and roll. Oui, on y va. Ah là, on est plein, là. On est plein. On est plein. Oh. Wouh. Ah. J'ai ah. Un son de temps. C'est moi, je le son de monsieur son. Right on. J'ai un running down jusqu'au dedans. Je sais que même en voulant pour être dedans. C'est pareil, je suis là. Jusqu'au dedans. Avec un corps en plein des yeux et des genoux. Oh yeah. Dans les antichambres à supplice. Et la belle fille, cheveux au vent, qui s'en va chercher du secours. Pourra-t-elle revenir à temps? Lady Trentonnery sera-t-elle à sauver Ville Altitude? Afin d'en savoir plus long sur le cours, transportons-nous maintenant à bord du porte-avions Yorktown, où les petits spectateurs de la salle paroissiale Saint-Stanislas, devenus maintenant de brillants Marines américains, attendent avec impatience le retour de Lady Trenton, oh oui, le sauvetage de Ville Altitude et des cosmonautes d'Apollo 16. La Voie lactée. La Voie lactée. Et des vierges. Oh oui, des vierges. La Voie lactée. Et quel est Lady Trenton est épuisée, est épuisée. En dessous de l'île retrouvée, le cosmonaute s'est réveillé en plein milieu de la voie ferrée. En pleine réalité, son père renvoyé se coucher. Ah ouais, pas de coucher, pas de lait, pas de biscuit. Hein? Le record, c'est comme... Oui, oui, c'est du 33, ah, man, ou 33 de taille. 52 de tête, dégonfle, dégonfle. Comment ça, c'est quoi, aussi volumineux? Ben, les gens n'arrêtent pas de dire, hey, boy, c'est bon ton émission. T'es vraiment, tu te surpasses à chaque virgule. Ah! L'essence est tellement peu chère que les soucoupes volantes viendront faire le plein tout à l'heure. On les attend. Êtes-vous là? C'est nous, les presque-terriens. Oh, on est peut-être boueux parce qu'on vient du sous-sol. Ouais, du sous-sol, mais c'est parce qu'on monte, nous, là. On y était dans le grenier. Oui, le grenier, c'était en haut. Merci, madame. Vous êtes bien gentil de me récupérer, là, maintenant. De quoi ai-je l'air devant mon public? En fait, t'as l'air d'un individu tout à fait louche. Louche? Regarde-moi les yeux. Oui. Est-ce que je louche? Oui, de la tête. Ah, OK. Non, on dit j'opine du chef. Ça, c'est le jeudi. Ça, Denis Barry, l'opinant du chef. Hein? On ne tue pas. Mais ben voyons donc. Hey, c'est une mission qui a 300 ans. L'animateur a 600 ans. Mais il est aussi jeune, un petit rire de genou. Ah! Ton comportement de voleur se veut aussi évident que le mot crapule tatoué sur ton front. Ça, on voit des gens de même, hein? Passe dans la rue. C'est comme un flash. On se dit, hey, cet homme-là, c'est pas... Je donnerai pas mon bénitier, moi, là, ni mon dentier. Il risque de me ramener des Purple Man dedans. Okay. Pendant que les bateaux cherchent la dil... Oui, monsieur, oui. Voulez-vous répéter? On y va, monsieur. Pendant que les bateaux cherchent la libido et que trop de dildos flottent sur le dos, moi, je m'élève, moi, j'observe. C'est incroyable d'avoir pris Jules Vigneault. Ben, je vais vous la réciter sans musique. Pendant que les bateaux cherchent la libido et que trop de dildos flottent sur le dos, moi, je m'élève, moi, j'observe. Là, c'est une phrase, une citation de Hergé. Pas le dessinateur, là, mais le grand Hergé. Le grand Hergé. Ben, le... Hergé pour? Comment? Oh non, on comprend pas. Voyons donc. L'œuvre n'existe pas... L'œuvre n'existe que par le regard du récepteur. L'émetteur ne fait que proposer. Oh, on est dans la poésie, dans la réflexion, là, en début d'émission. C'est rare, ça. Là. La page déclenche à travers sa blancheur une multitude de ravissements. Celle du lecteur voyeur, qui s'habille de mots, grâce au créateur, cet enjôleur d'essence, ce manipulateur stylisé qui caresse le désir d'offrir un trésor rayonnant dans le firmament poétique. C'est Ronald Gagné. Qui c'est? Ronald Gagné. Voyons donc, oui, c'est qui? Ronald Gagné! Pendant que les... Mais, ah, ça, c'est mon préféré. C'est mon texte préféré, puis j'ai très peu de réactions face à ce que je vais vous lire là. Mais il faut quand même une certaine connaissance. Mais comme nous sommes à CKRL, universitaire nerveux, il meurt dedans. Oui. Comment ça, tu te limes là-dedans? Ben, c'est parce que moi, je voudrais que ce soit pointu. Pas parce que pendant toute ma vie, j'ai écouté le violonneux. Encore là, on nous a demandé récemment quelle est la différence entre un violoniste et un violonneux. Ben, j'ai dit, moi, là, la différence est claire. Le violonneux joue par oreille, par cœur, par émotion, par stratégie sonore. Tandis que le violoncelliste, grâce à la partition, fera vibrer ses cordes, l'émotivité musicale et tout ce qui s'en soucie. Ben, les autres musiciens, là, quand tu fais ta montée, là, exemple, Gershwin, les versions... Oh oui, la connaissez-vous, la version satanique de Gershwin? Voyons, non, il n'a pas fait ça, les versions sataniques. Ben oui, voyons, c'est... Ça, c'est le violon, là. Puis là, il monte en haut, là. Dans les portes de l'enfer. Puis là, il frappe. Et... Satan. Satan, pas à moi. Satan. Comme il fait. C'est un assistant gérant. Satan est un assistant gérant en passant. Il essaye de gérer, là, puis il y a de la misère à... Comme je voulais mentionner, si vous êtes des auditeurs ravis d'errance canadienne, la hiérarchie sert à valoriser le minable. Attention. Alors là, il y a Satan qui frappe encore. Hey, pas avec mon beau micro. XML 550. Eh oui. Eh, c'est la première fois que je fais mon émission avec ça, là, depuis là, là. On va frapper dans le micro. Il est garanti encore. C'est ça, on y va. Allô, Satan? Satan, c'est pas moi. Non, regarde, il est habitué par les supercheries. C'est pas moi, Satan. Peux-tu ouvrir la porte? Allô? Ton histoire ne m'intéresse pas. Mais voyons, toi, mon insignifiant, toi. T'es pas Satan? S'attends pas à ça, moi, là. Moi, je croyais que t'allais me dire « Oui, ouvre la cheminette et la bobinette, Bella. » Là, Bella était pas là, là, mais j'aurais pu la faire venir, là. Moi, j'ai juste à lui dire « Bella, Bella Mariscala, les deux pieds dans le chocolat, c'est toi. » Puis avant qu'elle se déprenne les deux pieds, parce qu'elle a des tout petits, minuscules tortelles. Ah, oui, c'est des petites fraises, des chats. Vous pouvez lui sauter les orteils, elle aime ça. Oh, oh, les petites fraises, les fraises, c'est bon, hein? C'est dur à ramasser, ça donne mal au dos, mais elle en a 10. Elle a... Ouais, ben 5 par pied. 2 pieds, 3 mesures, hein? Alors là, je vous lis mon texte préféré qui n'a aucun intérêt devant mon public Facebook. Vous pouvez devenir mon ami, hein, Facebook, en passant. En passant par la Lorraine, zing, zing, zing, la musique jouait. C'est, vous rentrez, Rénal Québec, à commercial, yahoo.fr. Je vous cite mon texte, là. Miles après miles, il se dévisse, la trompette, face à la nymphette qui attire son écho pour autant de Juliette au pays de Gréco. Pour les initiés. Pour les autres. Mais qu'est-ce qu'il dit, le mec, là? Mais qu'est-ce qu'il dit, la gonzesse? Ton histoire ne m'intéresse pas. Mais non, je ne comprends pas. 1 + 1 + 1, c'est facile, c'est 2. Va tout droit, c'est pas tourner, aller droit, dans le chemin, Tu Jésus t'aime bien, du chemin, oui, il est le chemin. Bon, il est défriché, c'est tout droit, c'est beau, j'aime ça. Bon, mais toi, c'est rien. C'est maïs, la Davis, Beco, déco. Moi, la décoration, je connais absolument rien là-dedans. La poésie, c'est pour les imbéciles, les gens qui s'endorment. C'est des pelleteux nuages. C'est comme les philosophes. Ça amène quoi, la philosophie? Mais ça amène, mon cher ami, à faire évoluer une planète. Une planète? C'est quelle, la planète? Quelle planète, là? Ta planète, à toi, c'est où? C'est pas la réalité. La réalité, c'est l'argent, la belle argent, toujours de l'argent. Pas d'argent, là, pas de bonheur, là. Tu trompes de route, toi, là. T'es un imbécile. OK, merci, monsieur Jean. Vous appelez? Je m'appelle pas, moi, là. Moi, je travaille, je travaille pas. Je suis pas un flambeau qui, là, qui regarde, qui se divertit. Divertir, là, c'est à la fin de ses jours, ça, là. 3 semaines avant de mourir, là, tu peux te divertir. Ben oui, mais t'es plus... Non. Les loges vont te dire, mais écoute, il faut avoir un certain... une joie de vivre. Ben, crois-tu que quand tu travailles 95 heures par semaine, tu te lèves à 2 heures du matin, tu te couches à 2 heures du matin, tu travailles 24 heures sur 24 pendant 25 000 ans? Ben oui, pour construire un monde là qui doit se tenir. Parce que, regarde, c'est mollasson. Tu regardes là ce qui va nous suivre en arrière, là. Moi, j'ai peur! Et un autre texte. Québec. De Québec, betterave, sans louidou. Québec, ma ville, mon Québec. Québec bécote les amoureuses et s'étire souvent la langue française pour charmer de son accent les accidentés du glamour. C'est beau! Arrête de te... intellectuellement, toi, là. Les histoires folles fleurissent... Ah oui, ça, c'est apprécié du public et je comprends pas pourquoi. C'est pas ma préférée. Les histoires folles fleurissent sans caprice. Les récits déments mentent sous le manteau. Peut-être que l'hiver arrive et les gens aimeraient bien savoir un manteau doublé, hein? Mais si, il est... En passant, là, entre nous, là, si votre manteau est doublé, ne le tournez pas. Plein de... politiciens l'ont fait. Plein de comédiens l'ont fait. Plein d'artistes ont osé virer pendant leur vie d'un clan à l'autre. Et c'est pas payant. D'argent. La page déclenche à travers sa blancheur. On le fait. Lâche la multitude. OK. Le choc coquin du corps caresse l'imaginaire. l'éloquence des fantasmes, la frileuse représentation du sens et de l'espérance. Parce que là, c'est le moment érotisme, où il y a de l'érotisme. Le serpent. Adam, la pomme. Coucher les enfants. Mon micro aussi, madame. On l'a acheté. Non, on va répondre à madame. Là. C'est où? C'est aux États-Unis, ça? Il doit y avoir des coins aux États-Unis où c'est francophone. Appelle le numéro francophone de mon micro. MXL 550. Comment? MXL 550. Mais on comprend rien. MXL 550. Mais arrête de cracher dedans. Tu vas faire des courts-circuits. OK, excusez-moi. MXL 550. OK. Oh, là, on doit... Ben, à un moment donné, il va y avoir un répondeur. Vous dites français. OK, puis vous me le posez après. On va attendre. Didi-dum, didi-dum, didi-dum, didi-dum. Excusez-moi, là, on veut avoir la liaison. Sommes-nous lion, lion, lion? Moi, je suis pas lion, moi, je suis gémeaux, ascendant, scorpion. Balance, des fois, vers le... vers la gauche, puis souvent l'extrême gauche. Là. Oh, on a la ligne, oui. On peut parler à... Bonjour, madame. Hello. OK, vous êtes une madame? Hello. Une francophone? Vous êtes francophone des États-Unis? Allô? Allô? Oui. Vous êtes francophone des États-Unis, madame? Oui. Oh, ici, mon lac. Attendez, on va essayer. Oui. Ouais, on va mettre ça plus loin. Je suis pas habitué, moi, avec la sonorité. Là. Ça, c'est, ça globe tout. La mouche, elle arrive souvent là, devant moi. Là. Une mouche au mois de décembre, au mois de novembre, là, vous allez me dire, c'est rare, mais pas ici. Ça, c'est un climat tropical. Quand on parle de tropical, on parle de cancer de la peau. Pourquoi on vous l'a appelé, madame? Parce que le choc coquin... Ah oui! Le choc coquin du corps caresse l'imaginaire, l'éloquence des fantasmes, la frileuse représentation du sens et l'espérance d'une traversée du miroir. Ça, c'est beau, c'est ma préférée. On a le droit d'avoir des préférés. Quand on a des enfants, on a des préférés. Non, c'est impossible. Voyons donc. Oui, mais je vais te raconter. Moi. Quand j'ai accouché, mais c'est pas moi qui ai accouché. Là, c'est... Excuse-moi, je suis encore ému. Ça fait déjà 3 ans, mais ça me revient à la mémoire. Comme un spasme. On va pas. Non, on peut pas passer. Non, on y va. OK. Ouf. Excusez-moi. Je peux pas prendre de verre d'eau, rien. Non. Faut que je me lance, je pense. Si je me... Tu vas me rattraper, toi, ma petite... oui. Ma stagiaire. Hey, j'ai 3 stagiaires. Merci. Elohim, Cassandra et Chloé. Non, non. Puis, des très beaux prénoms. Dites bravo à vos parents, là. Pour moi, c'est une musicalité sonore. Et là, je viens de faire un pléonasme. Comment une musicalité ne pourrait pas être sonore? Non, non, mais l'intelligence m'arrive, moi, après l'avoir mentionné. Non, mais oui. Là, à l'intérieur, ça dit épais, épais. Des pancartes, des grosses pancartes. Puis des grosses épaisses qui sont des grosses pancartes écrites épais. Là. Ça ne peut pas être des maigrichons. Parce que la pancarte risque de les faire basculer vers le derrière. On sait très bien que quand tu bascules vers le derrière, ben, tu t'avances vers le trépas. Trépas, arrière, derrière. Ouais. Okay. Alors, on la fera plus. C'est fini. Mais tu peux la rayer. Ray. Ouais, c'est de l'improvisé. On peut pas faire ça. Ben oui, comment je peux m'en souvenir? Moi, là, j'ai la mémoire du crayon. Non, mais savez-vous combien de temps un crayon peut se souvenir de ce qu'il a écrit? Hein? Ça peut être une question d'examen, madame. Prenez ça en note, là. Attendez, là. Est-ce que c'est un crayon de mine, un crayon de feutre ou un crayon bille? Une autre signifiante, là. Je sais-tu, moi, là, j'ai un problème. Crayon bille. Crayon, mais de quelle couleur? Ah, on a pris une vraie, là. Ça, c'est une Suisse. Les Suisses sont pointilleux. Un crayon bleu, un crayon rouge ou un crayon noir? Madame, c'est un crayon transparent. Ben, ça ne peut pas être un crayon. Eh, monsieur. Non, non, ça c'est parce que je reprends. Je reprends de mes... Exactement, c'est ça. Je suis rouge de honte et même et de rage. Mais la honte et la rage fait qu'on se sent bizarre. Hein? C'est comme un mal de tête suivi d'une fièvre lafteuse. La fièvre lafteuse, l'avez-vous vue? Oui, ben, en buvant du lait caillé, vous avez la fièvre lafteuse. Oui, c'est le moto. Mais. Exactement. Pas besoin. Non, mais non. Voyons. Mais. Avez-vous compris, madame? Oui. On va te placer du 4x4 plaqué. Comme tu l'as été par ta femme, plaqué. Sorti dehors de son corps, de sa vie, de son entourage, jeté, craché par terre. Monsieur le Président! On a déjà fait celui-là, craché par terre, 4x4. C'est pas grave, on fait des reprises, on aime ça ici. Tu peux aller voir un spectacle 3 fois là, dans ta vie? Bon, si je peux me répéter 3-4 fois, moi, j'ai bien le droit. Arrête de dire le mot fouet. Non, il est encrassé. Jules, il faudrait que j'arrête de manger des barres de chocolat. De la croustille bien graisseuse. Moi, là, je me passe le doigt, ça croustille. Oui, allez-y. Puis après ça, sur le visage. Et si mon doigt glisse, ça veut dire qu'il glisse. OK? Quand il glisse pas, ça veut dire qu'il glisse pas. Pas fou? Non, mais j'ai l'air... Non, non, regardez-moi, madame. J'ai l'air d'un fou, hein? Bon. C'est ça, j'en suis un. Monsieur le Président, il faut se reconnaître. Il faut s'apprécier comme on est. Oui, je sais, j'ai un gros nez. Merci, madame. Bravo. Monsieur le Président, quoi? Ça décolle aussi le dent. Oui, je le sais. Mon œil en vite, il colle plus tout le temps. Ça À mon âge, vous allez... Bon, c'est ça. Monsieur le Président, monsieur le patron catholique, mesdames les voluptés, je l'aime, mon micro. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, puis pour les initiés, là, ça fonctionne avec le Phantom, le Power Phantom, 46 volts. Moi, je connais Gilbert, là, l'homme de 100 000 volts, celui qui chante Nathalie, là. Nathalie, whip, whip, whip, whip, whip, whip, whip. Et les Champs-Élysées, ti, ti, ti, ti, ti, ti, on l'a chanté, ouais. La préférée qu'on n'entend pas souvent, c'est chante. Non pas celle chante, la vie, non, c'est... Je l'ai diffusé 3 fois sans doute depuis. Ouais. Vous vous souvenez? Je la ferai pas jouer aujourd'hui. Okay. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire filmée improvisée avec votre court-circuiteur de je sais pas quoi. Et je sais pas qui. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Vous direz que je suis en train de lécher. Si vous me regardez là, sur Internet, je ne lèche pas. Puis en plus, c'est préférable actuellement de visionner mes vidéos. On ne voit pas beaucoup le visage. Le micro est tellement gros, on dirait que tu te caches derrière. C'est exactement ça. J'ai appelé mes amis Ebase. Ils baisent. Puis, ils m'ont dit, mon enfant, je te pardonne. Non. Ils baisent. Oui. Vous savez que je suis. Exactement, émission de radio. ACK. La plus vieille radio comme. Bravo. Bon. Et puis là, je trouve que mes micros avant. OK, le sure, on ne peut pas dire que c'est pas sure. C'est très. Non, au niveau monétaire, c'est pas sure. Effectivement. Mais. Ça donne pas un son radiophonique. Avez-vous quelque chose pour moi? Et là, ça fait 50 ans qu'on travaille sur le MXL550. Oui. Alors, les choses intéressantes de le MXL550... Est-ce que ça intéresse le public? Non, pas du tout. OK, on continue. C'est que c'est un biphonique surround... Ça va bien? Ça va très bien. Êtes-vous vous dégonflez? Je dégonfle. Digital. Oh, digital. Digital. Là, les gens, numérique, digital, c'est la même chose? Non, c'est pas la même. Non, on veut pas savoir pourquoi, de quelle manière c'est différent. On veut rien savoir. Et pourquoi le public va apprécier? C'est parce que ça recrée. Qui? Recrée. On dirait Arto qui parle. Non, Arto, c'est... Oui. Moi, c'est... Recrée. OK, vas-y. Recrée le son radiophonique. Hey, c'est vrai, ça. Avec... la sonorité de derrière-plan, comme là maintenant, et d'avant-plan. Oh, vous êtes partout? Je suis partout! OK. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldine s'ouvre à l'instant. On peut aussi se murmurer des choses ensemble. Là. Bande de chanceux. L'absurde aventure de l'errance rénaldine s'ouvre à l'instant. Nous marcherons. Fricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres, je sais dit. Qui dit. Ouais. Rénal Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 6 décembre 2013. Hey, décembre. Me semble que décembre arrive vite. Je suis même pas prêt, moi. Ma femme sait même pas coiffer. Mes enfants sont même pas maquillés. Ma vie est inexistante. Aujourd'hui, le vendredi 6 décembre 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Sonia Pavlik. Formée à l'école Claude Mathieu, Sonia a travaillé avec Alain Baptiste, Hugues, de la salle. Ou encore. Ah, oh, c'était très bien! Pourquoi t'as déclenché? Oui. Allô? Lâchez-vous, moi, monsieur! On a... Ton histoire ne m'intéresse pas. Mais hey, c'est pas mon histoire. C'est celle de la fabuleuse Sonia Pavlik. Puis toi, tu vas écouter. Enchaîne-le, Gaétan, enchaîne-le. Mets-le là, il parlera plus. Le micro, c'est un droit inconditionnel. Si tu vaux pas la peine, on t'enlève de là. Hein? Enlève-le, oui. Coupe-lui le micro. Arrache-le. Sad, qu'est-ce qu'on lui en a fait à Sad? On lui a pris la langue. On lui a coupé la langue, là. Mais lui, on va lui... Ouais. On va éviter une langue de cochon. Okay. Alors, formée à l'école Claude Mathieu, Sonia a travaillé avec Alain Baptiste, Hugues de la Salle et encore Roger Planchon. En 2010, dans le cadre de la compagnie Walrus, elle interprète sous la direction d'Amélie Porteux le rôle de Verma dans l'histoire de Gypsy. Gypsy... Sonia, on l'appelait Gypsy. Je suis heureux parce que c'est mon ami. Gypsy? Non, Sonia. C'est une fille pas comme les autres. Elle est sublime, vous en saurez aussi. L'auteur, vous serez aussi auditeur devant autant de charme. Après avoir participé en tant que lectrice aux ateliers de l'école Lacancienne, ça doit être Lacan, hein? L'école Lacancienne sans doute, Proust, Celan, Spinoza, et mon ami Spinoza. Spinoza. Alors, en juillet 2013, Errance rénaldienne se trouve... Ah oui, attendez. En 2012, elle décide de réaliser elle-même le scénario d'une comédie, La femme à tête de chou, son premier court-métrage. En juillet 2013, Errance rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette fille sublime. Cette fille sublime. Sublime. Thank you. Je suis l'homme à tête de chou. Moitié légumes, moitié mec. Feuille de chou, un scandale qui me donnait le beefsteak. J'étais fini, foutu, échec et mat aux yeux de Marilou qui me traitait comme un blanc bec et me rendait moitié coucou. Oh non, tu peux pas savoir, mec. Il fallait les discothèques et bouffer au kangourou club. Alors je signais des chèques sans provision, j'étais fou, fou. À la fin, j'y fis le caillou comme un melon, une pastèque. Mais maman, je vais pas tout déballer comme ça, aussi sec. Quoi, moi, des mères encore, des clous. Écume Varec sur la plage de Malibu. Ah non, mais c'est un super appareil. Ben oui. Ah oui, en effet. Oui. Et c'est autonome en plus. C'est automatique. Ouais. Donc, selon la distance, selon le débit, selon la force de ta voix, ça. Hey, t'as les. As-tu des lentilles? Non, pourquoi? Ok, parce que t'as comme l'iris très. Ah ouais. Ah ouais, c'est pété. Ouais, ouais. Ah, c'est bien. Ah, peut-être c'est ça. C'est donc, c'est ça. Ça prend la distance de la voix. D'accord, pas le l'iris. Non, ouais, ça, oui, ça, ouais, ça, oui, mais bon, mais pas ça. Et la voix, ce qui est ambiant, d'accord, est reculé. D'accord. Donc, ça donne une ambiance urbaine intéressante. Ah oui, ok. Et moi, je trouve ça incroyable. Bah oui, en effet, ouais. Oui. Mais comme je suis... Et du coup, tu le transportes partout avec toi? Oui, mais comme je suis un garçon incertain, surtout, qui craint que le premier ne fonctionne pas, j'en ai deux. Bah ouais, tu mais fais bien, mais deux différents, ouais. Donc deux marques... qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir, mais qui font le même travail. C'est pas la même présentation. Non, c'est ça. Lui, il est plus discret. Ouais, il est plus discret, ouais. Ouais, les gens le sentent moins. Ouais, et en voilà. Effet, ouais. Mais ils sont super. On dirait oui, des petites, beau, des petites hein? Sculptures. Oui, c'est bien. Ouais. Mais parce que si je place les micros avant, tout le monde regarde. Ça ah oui, bah, bien peu. Sûr, ouais. Bon, oui. Micro, c'est vrai. Micro. Oui, mais on dirait ça peut faire autre chose, en fait. On dirait peut-être ouais, une petite sculpture. Pour les gens qui ont l'imagination. Oui, voilà, oui. On peut voir plein de choses dedans. Ah oui, on peut dans n'importe quoi. Enfin, en tout cas, moi, celui-là, je vois vraiment un clown. L'autre, il est noir, alors... Alors, c'est fabuleux. Oui. Sinon, une petite boule de suie, comme dans le dessin animé japonais, là. Ah oui, c'est vrai. Tu c'est vois? Vrai. Oui, oui. Mais j'aurais dû prendre, parce que là, j'avais plein de couleurs, mais j'ai pas pensé noir aurait été peut-être mieux. Ah non, mais rouge, c'est très bien, enfin. Ah oui? Ah, okay. Oui, pour moi, ça évoque la comédie, tout ça. Alors, ben Sonia, je suis heureux de te rencontrer. Mais moi aussi, très tu heureuse. Tu es une rédactrice. Oui. Tu écris sur le web? Oui, j'écris sur le web et dans la presse. C'est aussi. Ça, et pas juste. Oui, voilà. Également, la presse exactement, est sauve à toi. Oui. Oui. Enfin, remarque, le web aussi, c'est écrit. Oui, mais c'est écrit différemment. Oui, c'est écrit différemment. C'est pas le même public. C'est vrai. Donc, c'est tu vois, la même chose. Parce que les gens veulent pas lire. Oui, c'est vrai. Beaucoup moins. Oui, c'est vrai. Quand je me procure un journal, je suis prêt à une lecture. Oui, oui, puis c'est fatigant de lire sur un écran. C'est, ben, il faut dire aussi que c'est la paresse intellectuelle, le web. Oui, enfin, ça, on peut discuter quand même dessus. Oui, non, c'est pas forcément la paresse intellectuelle, parce qu'on peut être aussi actif sur le web, enfin, de manière très active. Oui, mais pas dans la lecture. Pas dans la lecture. Oui, mais en même temps, disons que dans l'acte d'écrire, c'est compliqué là. Il y a l'acte d'écrire qui. Aussi la lecture, ça pose une interprétation. Enfin, en même temps, tu n'écris pas la même manière sur le web que dans un journal. Bien sûr, oui. Mais il faut être d'autant plus vigilant à ce qu'on lit sur le web. Non, mais c'est vrai. Enfin, pourquoi ? Bah, être acteur de sa propre lecture. Mm-hmm. Parce que, disons que sur le web, je trouve on peut facilement se laisser. On peut facilement errer et se perdre un petit peu. Merci, c'est mon émission. Mais voilà, exactement. Bravo, tu le savais, tu l'as branché. Oui, c'est pour ça, j'ai essayé de trouver... Ah, c'est bien, bravo, deux morceaux de robot. Parce que chez nous, il y a une émission, lorsqu'on était enfant, okay, une émission pour enfants qui fonctionnait selon les bonnes réponses. On montait un robot. Ah oui, d'accord. Donc, en 12 morceaux. Alors, d'accord. Quand tu gagnais, tu avais des morceaux de robot. D'accord, donc là, j'avais droit à deux morceaux de robot. Ah, super, j'en ai trois stocks. C'est vrai, c'est ça. Oui, oui. Alors, donc, c'est ça, la rédaction cybernétique n'est pas la même que la rédaction... Non, c'est pas la même. Non, c'est pas la même, c'est sûr. Et tu préfères laquelle? Mais c'est très différent en fait les deux. C'est comme si on demande à un acteur qui aimerait. Faire du théâtre, du cinéma. Voilà, exactement. Quand il aime les deux, c'est dur de répondre. Et surtout que si tu veux avoir des emplois dans les deux cas, tu peux pas amener un privilège. Oui, en plus, il y a ça en plus. Je vais pas dire à la comédienne que j'ai interviewée tantôt, que j'ai rencontrée, mais c'est ça. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'est les deux. J'aime les deux. J'aime les deux. Et à côté, je fais des courts-métrages aussi. Mmh, oui, exactement. Voilà. Et t'es même comédienne? J'ai un passé de comédienne. Après, c'est pas du tout mon métier. C'est plus quelque chose que je fais par plaisir. Ou par manque de comédien, non? Ou par manque de comédien. Oui, aussi, oui. Aussi de budget, oui. Okay. Oui. Oui, j'ai un palier, les défaillances. C'est ça, exactement, budgétaire, parce que de moins en moins d'argent pour l'art. Oui, voilà, ouais, du coup, il faut tout faire. La création, ça place aujourd'hui. Exactement, donc quand on n'a pas de subvention, on se découvre des nouveaux talents. C'est ça, oui. C'est parce qu'on a pas... on s'en développe. Voilà, on s'en développe, on n'a pas forcément le choix. Donc... Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené au langage cinématographique? Est-ce que ça a été une notion... notion, comment dire, est-ce que tu l'as étudié ou si tu l'as appris sur le tas en regardant des films ou tu l'as étudié? Alors disons que j'ai étudié comment écrire, ensuite... Comment écrire au cinéma? Pas au cinéma, mais comment écrire tout court. Okay. Voilà. Ensuite, le cinéma, j'avais toujours pensé qu'un jour je passerais derrière la caméra, mais c'est venu un peu de fil en aiguille à mesure que j'ai avancé dans ma vie, dans mon parcours. En fait, au départ, j'ai plutôt écrit pour le théâtre, de la fiction. Et puis ensuite, j'ai commencé à écrire des sketchs humoristiques okay. sur le monde du travail. Okay. Et en fait, je pensais vraiment faire un spectacle, une sorte de one-man show. Avec toi ? Avec moi, voilà. Okay. Qui raconterait ces histoires, ces anecdotes, puisées à la fois dans la réalité et dans l'imagination. Ah oui. Okay. Un mélange des deux. Enfin, de toute façon, j'écris jamais... On part sur le réel et on... Oui, voilà. Et puis on va ailleurs, oui. J'écris jamais de... Enfin, c'est pas du tout... Je colle pas du tout à la réalité. J'essaye au contraire de m'en éloigner. Même si je parle d'elle, j'essaye de décaler les choses et tout. Exactement, oui. J'essaye de rentrer dans un monde imaginaire. Loin de toi. Voilà, oui. Loin de la vie quotidienne. Okay, loin de nous. Mais proche de nous en même temps, enfin, avec des passerelles. Ok. Pour nous ramener à la réalité, voilà, c'est plus facilement compréhensible. Donc, Voilà, exactement. Okay. Et donc, à partir de là, j'essaye de revenir sur mes pas. De retomber sur mes pas comme un chat. Donc en fait, j'ai réécrit, j'ai écrit plusieurs sketchs et je me suis rendu compte que c'était bien plus intéressant de les faire sous un format cinématographique que au théâtre. Pourquoi ? Parce que j'avais plusieurs personnages qui venaient, donc je trouvais ça dommage de enfin, d'être seule en scène, etc. Et je ne pouvais pas forcément réquisitionner quatre comédiens tout le temps sur scène avec moi, parce que c'est quand même... tout de suite, ça fait un budget, donc il y a la contrainte monétaire, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que visuellement, j'avais beaucoup plus d'images qui me venaient de manière cinématographique que théâtrale. Oui, voilà, oui, voilà. Et je voyais les choses s'animer d'une manière derrière la caméra. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve assez marrant, c'est autant je me sens capable d'écrire pour le théâtre, autant je ne me sens pas du tout capable de faire une mise en scène de théâtre, alors que je me sens capable de faire un court-métrage. Et j'ai vu... Oui, tu... Oui. Le court-métrage. Oui, oui, tu l'as vu. Oui, c'est vrai. La femme à tête de chou. Oui, pourquoi? Alors, où est l'homme? Il a déjà été fait. Bah là, il s'était déjà pris. Alors, je me suis dit, mais je pense que la femme à tête de chou aussi s'est déjà pris. Ah oui, par qui? Mais peu importe. Ok, je la connais. Oui, voilà, moi non plus, je la connais. Une nouvelle comédienne. Oui, voilà. Donc, oui, et pourquoi la femme à tête de chou? Parce que disons que les choux et les carottes et les patates occupent une place très importante dans mon imaginaire et en l'occurrence dans ce film. Alimentaire ou intellectuel? Intellectuel. Okay. Enfin, je trouve ça très inspirant. Ah oui, très inspirant, oui. Ce sont mes muses. Ben, disons que la patate, ça m'inspire des sculptures potentielles, voilà, enfin, avec un petit couteau et un écu noir. Voilà, pour l'appeler, oui. Lui enlever la peau. Exactement, oui. Et lui faire la peau. Voilà, lui faire la peau, exactement. Ah oui, non, mais pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration. Mais voilà, comme tu voilà, viens de le montrer, ça prête à plein de jeux de mots, une patate. Enfin, je sais pas, est-ce que au Québec vous avez des... On a de la patate. Vous avez de la patate, bien sûr. Et vous avez aussi des expressions avec des patates, non? Surtout la tomate. D'accord, c'est plutôt la tomate. Ouais. Mais la patate, oui. Bah, pas vraiment, non, la patate. Ah ouais, vous dites pas parler avec une patate chaude? Ah, dans la bouche, oui, quelqu'un dit. Oui, ça c'est international, dans la francophonie, je crois, oui. Mais sinon, ça se résume à ça. D'accord. Mais il y a un chanteur québécois qui s'appelle mon oncle Serge qui dit c'est bon des patates. Ah bah voilà. Et pour lui, c'est quelque chose d'important dans sa vie des patates. Puisque si on l'appelait mon oncle Serge, c'est qu'à l'origine, il était dans un restaurant avec son groupe à l'époque qui s'appelait les Colocs. D'accord, les Colocs. Il n'existe plus. D'accord, je suis en train de comprendre. Parce que le chanteur s'est suicidé. Ah, ça c'est moins gay. Ouais, c'est moins marrant. La coloc s'est fini mal en fait. Ben pas vraiment parce qu'il a fait encore sur scène. Ah oui. Donc, okay. Non, la patate a encore sa place. D'accord. Sans aucun problème. Et donc, tout le monde mangeait steak frites. D'accord. Et lui a demandé des patates. OK. Et là, le groupe lui a dit, il me semble que ça fait mon oncle. Et c'est de là mon oncle Serge. À cause des mets au restaurant qui rajoutaient des patates, qui rajoutaient des frites, lui voulait uniquement des patates. Mon oncle Serge, parce que son nom c'est Serge. D'accord. Donc ça vient de là. D'accord, ça et vient de là, des oui. Patates, et seulement, oui. Tu iras voir la vidéo. J'irai voir, oui. Oui, oui, c'est ce que ça m'intéresse. Ça suscite quelque chose. Ah oui, ça suscite quelque chose. Okay. Et les bananes aussi sont une source d'inspiration. Pourquoi? Alors, déjà, quand on va sur Internet, quand on regarde sur YouTube, qu'on surfe sur le net, eh ben, on voit beaucoup de choses assez amusantes avec des bananes, enfin, des clips complètement improbables. Des quoi? Le fruit ou le sexe? Le fruit, okay. Le fruit. Oui, oui, le fruit. Donc, bien sûr que ça a sans doute une connotation sexuelle. Voilà, c'est pour ça que l'imaginaire est frappé par ce symbole phallique. De plein fouet, exactement. Mais sinon, non, il y a des choses très marrantes, des clips complètement improbables, faits avec deux, trois bouts de ficelle et des bananes. Enfin, c'est ça peut aussi représenter un flingue, ça peut... Oui, plein de choses, plein de choses. Et puis, il y a la chanson de Philippe Catherine aussi. Oui. Laissez-moi manger ma banane, sur la plage. Il en a besoin. Non, je ne veux plus jamais travailler. Plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché. Plutôt crever. Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi. Sur la plage. Non, je ne veux plus jamais. Oui, monsieur, je sais que ce sont vos enfants. Mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi. Manger ma banane. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So, bésame, bésame mucho. I'll love you forever, say that you'll always be mine. Cha-cha-boom! Dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. Spring, it's you I adore. Yes, so dearest one, if you should leave me, then each little dream would take wings and my life would be through. Oh, so bésame, bésame mucho. Yeah, love you forever, make all my dreams come true. Joy is something new. My arms are holding you. Never knew this, the thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me whispering, it's you I adore. Oh, so dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. Oh, so bésame, bésame mucho. And I'll love you forever, make all my dreams come true. Oh, love you forever, make all my dreams come true. Oh, love you forever, make all my dreams come true. Comme le mentionnait, non, là, ici, maintenant, qui le mentionnait? Personne. Personne n'a mentionné un nom ni de prénom. Nous ne sommes que dans une émission de radio. Nous sommes que? Nous sommes que? Nous sommes que trois petits enfants qui cherchent le présent dans le passé. Mais maintenant qu'il n'y a plus rien. Et là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami. C'est pas comme ça que je voulais l'ouvrir le micro, mon ami. Je voulais débuter par ma nomenclature. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction. et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Hey, mon oncle Buck! Oui? Pourrais-tu me faire une improvisation? Oui, dis-moi ta phrase. C'est pas la mienne, c'est la tienne. Ok, vas-y, c'est la mienne. Je la citerai. Si la folie vous intéresse, la vôtre ou la mienne, je peux vous toucher des mots de la mienne. Toucher. Si la folie vous intéresse, la vôtre ou la mienne, je peux vous toucher des mots de la mienne. Quand je touche la mienne, elle veut pas tout le temps. Ah non, non, non, non, non, non, non. Je dis, moi j'ai les mots pour te le dire, moi là. Je suis pas Marie Cardinal, mais j'ai les mots pour te le dire. Des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça te fait sans doute quelque chose. Ouais, mais il me semble que t'as dit quelque chose. Ben oui, quelque chose, ça me dit quelque chose. Quelque chose? Non, ce que tu viens de dire. Ben, dis-moi pas que je viens de réciter une chanson. Ben, non, mais oh, peut-être. Ah! Ben oui, c'est une chanson, j'ai dit paf! Ben non. J'ai l'ami dans mon cœur, donc je reconnais la cause, c'est le moment où j'ai l'ami. C'est qui chante ça, là? Le temps qui bat. Moi, j'ai dit paf. J'ai dit paf. Mais moi, il m'a dit, ma petite chérie d'amour, que la folie se comprend, se voit, se vit en dehors de toute formalité. Là. Tout ce qui est classique, là, on veut se déchirer la veste comme Hulk, là. On veut devenir autrement que nous en restant nous. Ah oui, des petites extravagances, là. Normalement, ton copain ne dit jamais « Hey, on pourrait sortir ensemble sans les enfants, là. » Hein, voyons, donc, tu m'as jamais dit ça. Ben, là, je viens de te le dire. Oh oui, mais t'es un homme nouveau. Ben, je vais te dire en vérité ce qui m'est arrivé. Oui? Bon, tu m'as trompé. Non, je t'ai pas... Ben, peut-être. J'ai écouté la radio. Qui? T'as écouté qui? Non, j'ai écouté la radio. La radio, oui. C'est Coéril. C'est Coéril. Oui, c'est Coéril, la radio coco communautaire. La plus vieille radio coco communautaire francophone au monde. Ah, non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai, voyons. Elle a 40, elle va avoir 41 ans. 41 ans. Toutes ses dents. Toutes ses dents, une belle langue française qu'elle veut faire vibrer au son de tous les diapasons de la poésie francophone. Et puis, ouais, c'est à l'émission Errance canadienne. Qu'est-ce qu'il te dit, lui? Ben, lui, c'est vrai qu'il est bizarre. Très bizarre, puis je veux pas t'écouter ça, c'est pas pour toi. Comment ça? Ben, t'as pas le cerveau pour ça. T'as pas le cerveau. Comment ça, j'ai pas de cerveau pour ça? Ben, non. Faut déjà avoir un mini-mini-mi, puis t'as pas de mini-mi. Ben, j'ai pas de mini-mi. Toi, t'as bien une mini-jupe. Ben oui, c'est pour ça. Quand tu vois ma mini-jupe, tu deviens plus rien. Quand je vois ta mini-jupe, je deviens l'ombre de mon ombre, l'ombre de moi-même. Qu'est-ce que tu fais là? Ben là, je cherche une Popperman. Y'en a pas? Ben, on a jamais acheté ça. Ben, regarde, j'ai 43. 40. Ça va bien? Oui. L'enregistrement est bloqué. Eh, monsieur, le ridicule ne tue pas. C'est quoi la phrase de Virginia Woolf, là? Parce qu'on pourra pas la mentionner. Comme le mentionnait Jim Morrison, de Rance Rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Puis l'autre, là, de Virginia, là, c'est... À comment faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Ben là, ça vient d'être fait. Mais c'est en revenant de l'ego. Arrête-moi ça! Non, mais c'est ça l'indifférence, c'est ça l'extravagance, c'est ça d'aller plus loin. Oubliez tout. Hey, toutou? Oui? Toutou, on pourrait sortir ensemble. Arrête de sortir, puis on s'en va. Quittons! Quittons? Quittons l'aventure. Non, allons à l'aventure. Quittons quoi? Ben, quittons tout. Quittons tout. Ah, je connais pas ça. Attends un peu. Je vais mettre ça sur mon GPS. Quittons tout. Comment t'écris ça? Qui, tout. OK. Qui, ton, tout. Comment t'écris ça? Kikiki, tonton, toutou. Kikiki, tonton, toutou. Il me semble que c'est redondant. Ben, on va aller redondant. OK, on va aller redondant. Redondant. Redondant. R-R-E. Comment? OK, Alors les fruits alimentent mon imaginaire, peut-être c'est parce que y a un moment où je me suis intéressée à l'Ayurveda. C'est-à-dire l'Ayurveda, tu vois ce que c'est? Non, c'est pas un truc de la guerre des étoiles. En fait, l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne, qui est une médecine plutôt préventive. Oui, voilà, et qui en fait base beaucoup, enfin, entre autres, base la prévention sur l'alimentation. Et donc il y a différentes posologies. En fonction de ta posologie, par exemple, manger des tomates, c'est pas terrible, il vaudra mieux manger du fenouil. Et c'est un peu de ce genre de choses, oui. De l'herbage. De l'herbage. Ouais, à travers les herbes, il y a des gens qui prennent de la camomille pour se relaxer. Ah, d'accord, ouais. C'est un peu ça. Il y a un peu de ça, oui. Mais disons que c'est compliqué, puis surtout, c'est quelque chose. C'est une médecine traditionnelle et ancestrale. Fin... Non, mais toi, tu as une formation universitaire. J'ai une formation universitaire, ouais. Mais pas de médecin. Non, c'est ça, mais une formation universitaire littéraire. Oui, voilà, oui. Oui. Tu veux que j'en parle? Presque philosophique. Historique et artistique. Non, mais dans le discours, on sent quelque chose de, de philosophique. Ah oui, tu penses? Oui. Non, c'est dans le discours, c'est dans le fait de parler, dans le fait d'amener des idées, dans le fait de discourir. On sent la philosophie. Non? Peut-être. Oui, peut-être. Okay. Bah, disons que je ne sais pas si je m'approcherai un jour de la pâte à physique, mais peut-être. Oui. Mais qu'est-ce qui t'amène à un moment donné à vouloir parler dans un récit filmique de quelque chose? Qu'est-ce qui m'a amené, en fait... Non, mais qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui m'amène? À parler de récits, de prendre voilà, une histoire et de l'amener jusqu'à terme. D'accord. Alors, déjà, il y a l'envie, okay, qui est très, très forte. L'envie de faire un film aussi. L'envie de créer. Oui, l'envie de créer, l'envie de... On va dire... D'être au monde. Voilà, d'être au monde. De mettre au monde quelque chose. Exactement, tout à fait, oui, d'enfanter. Ton côté maternel. Et puis, ouais, voilà, il y a mon côté maternel, mais puis il y a aussi... Enfin, j'aime beaucoup aussi créer une communauté temporaire. Et le tournage, ça permet ça, ça permet de faire une sorte de fête, en même temps de fête studieuse, où voilà, on est tous, on travaille tous à un but commun. Pour une idéologie, pour une fête. Bah, je sais pas pour une idéologie, hein, en l'occurrence. Pour un récit. Oui, voilà, pour un récit. Pour une histoire. Voilà, pour mobile sur nous, pour faire quelque chose ensemble. Ok. Et mais sinon. C'est le côté collectif. Bah oui, beaucoup. Parce qu'aussi dans l'écriture, enfin. J'adore quand il y a un acteur qui commence à lire le texte, le scénario, etc. Quand on entend dans sa bouche qu'on met une image, tout d'un coup l'image s'anime, etc. En plus, c'est toujours un peu différent de ce qu'on avait imaginé dans la tête, heureusement. Ouais. Et je trouve ça hyper touchant comme moment. Donc je pense que c'est à la fois oui, pour... pour mettre en scène ce que j'avais dans la tête et puis en même temps pour le confronter à la réalité d'un tournage et vivre une aventure collective. C'est l'idée que toi tu as, parce que c'est pas d'autres qui t'amènent des idées, c'est toi-même qui accouches de l'œuvre et qui rassemble une équipe pour la rendre à terre. Oui, mais il y a plein de sages-femmes qui m'entourent. Dans oui, heureusement. Ouais, voilà. Okay. Il y a plein de sages-femmes. Excusez-moi, est-ce que je peux encaisser parce que j'ai terminé mon service? Oui, oui, oui. Est-ce que tu veux quelque chose? Ah, je veux bien un décart, s'il vous plaît. Un décart, d'accord. En plus, il y a l'intermède accordé, c'est parfait. Il y a un intermède accordé, on n'entend pas. D'accord, bon. Très bien. On entendra quand je barrerai mon café. On t'entend très bien. Non, oui, ben, tu seras pas. On entendra. Exactement. C'est très cinématographique. Oui, voilà, c'est très cinématographique. Et radiophonique aussi. Radiophonique, oui, c'est surtout. Ouais, donc, c'est ça, tu t'appuies d'un groupe, mais est-ce que le groupe revient constamment ou si tu diffères souvent du même clan, de la même structure? Disons que c'est compliqué parce que aussi ça dépend beaucoup des projets. Il y a des projets où finalement les gens vont se réunir à un moment et puis tout d'un coup ils vont complètement se désunir. Et le problème, c'est si c'est bien, c'est qu'il y a une désunion le plus tard possible, mais parfois ça arrive en cours de route et ça fait chênement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, le bébé peut être un bébé mort-né ou un avorté. Alors, ça peut avorter, faire avorter un projet, oui. Mais disons que sur ce film-là, en l'occurrence, non, c'était plutôt... Ça, c'est la femme à tête de chou. Oui, la femme à tête de chou. La femme à tête de chou, il n'y a pas eu d'avortement. Enfin, non, parce qu'on l'a vu. Ouais, voilà. On peut le voir. Le bébé est né, il est arrivé au monde. Et il fait aussi des petits festivals. Oui, il l'a fait. Il a commencé j'espère sa carrière en festival parce que c'était le premier à Honfleur. Donc c'était un festival de court-métrage Honfleur tout court et c'était une très chouette expérience. Les échos étaient positifs? Les échos étaient plutôt positifs, oui. Est-ce que tu as eu des demandes après pour en faire d'autres? Bah, disons qu'on m'a encouragé à en faire d'autres. On m'a dit, les retours, c'était un imaginaire derrière, un imaginaire assez fort derrière tout ça. Explosif, c'est peut-être trop terme. Et oui, on m'a dit que c'était marrant, qu'on aimait beaucoup aussi l'image. Alors du coup, le chef-op doit être content. Enfin, j'étais déjà contente de lui, alors... Oui, voilà, ouais. Merci. Bon café. Je vois rien, attends. Oui, d'accord. Et puis c'est vrai que... Parce que là, il est 4h passées, alors après, j'ai peur de pas trop dormir. Tu couches à quelle heure? Alors ça, ça dépend, c'est très variable. Alors ça peut durer longtemps, toi, l'effet, d'accord? Exactement, et toi, non? Non. Non, non, tu peux en boire. D'accord, c'est vrai. C'est peut-être parce que tu bois du café aussi qui va. Non, mais j'ai jamais pensé à ça. Quand je parle, ça s'est passé. Quand je parle, je parle aussi. Mais non, il n'y a pas de. J'ai jamais réfléchi à ça. Peut-être que tu dors. Tu dors pas beaucoup, alors tu bois du café aussi. Non, c'est pas ça, c'est que c'est... D'accord, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, ouais. Et tu, la nuit alors tu fais quoi plutôt Je suis caissier de nuit. T'es caissier de nuit, c'est vrai? Oui. Où ça? Dans Québec, dans un quartier chaud qui ressemble à une cigale. C'est vrai? Oui. Mais t'es caissier où? Pardon? T'es caissier dans quel magasin? Ah, c'est, ok, ben c'est une multinationale. D'accord. Esso. Ah oui, d'accord. Oui. Esso. D'accord, oui. Donc, le quartier dans lequel je travaille s'appelle Limoilou. D'accord, Limoilou. Oui, ah, oui L-I-M-O-I. C'est joli. Oui, c'est joli. Effectivement. Et donc, suite à la tête de, la femme à tête de chou, les gens t'ont vu à Honfleur, ils ont demandé, ils ont, est-ce qu'ils ont demandé d'être de des commandes suite à ça? Bah écoute, il n'y a pas eu de commandes ensuite. Disons que pour l'instant, j'essaye aussi de l'envoyer dans d'autres festivals. Okay. Et puis. Mais ça fait quand même 2 ans, là. Enfin, 1 an et demi, hein. De quoi? La femme à tête de chou. Ah non, c'est plus récent. En fait, j'ai. Non, non, même pas. Non, non, en fait, on l'a fini en décembre 2012. Donc ça fait 6 mois. Ah oui, ça fait 6 mois. Bah oui, tu as dû le voir en primaire. Mais ouais, ouais, ensuite, on a fini. Peut-être, je sais pas si tu avais vu la version étalonnée ou pas. Ouais, j'ai vu la version de 20 minutes. Ah non, ça a duré 9 minutes. 9 minutes? Oui, ok. Parce que ça t'a paru long? Non, non, pas du tout, parce que j'ai vu d'autres choses de toi. T'as un site avec quelques vidéos. Ah, d'accord. Donc peut-être que j'ai... Ah oui, que... D'accord, ok. D'accord. Donc, oui, oui, c'est vrai. Oui, Et ben non, disons, voilà, donc j'ai organisé après une projection pour la famille, les amis, etc. Les gens qui ont travaillé pour moi. Voilà, les gens qui ont travaillé pour moi. Ouais, à la toute fin, là. Oui, exactement, on en voit. Oui, oui, c'est bien. Ils se sont aussi découverts une vocation de figurant. Ok, c'est vrai. Et donc ça, c'était en février. Puis ensuite, j'ai commencé un petit peu à l'envoyer en festival. Et donc voilà, au mois de juin, début juin, on est parti pour Honfleur. Et pas si longtemps? C'était, non, il y a un peu moins d'un mois encore. Ouais. Bah, et puis on va voir la suite. Disons que pour l'instant, je sais qu'il y a peut-être des endroits qui, où il va être diffusé à la rentrée, mais comme c'est pas encore sûr, sûr à 100%, ah bah non, je sais pas. Je me tais, je touche du bois. Ah oui, la tête, oui. Ouais, voilà, la tête. Mais qu'il avait avant. Ouais, voilà, tu as aimé la réceptivité des gens de l'habitant en frais, parce que ça, vraiment, c'est quelque chose d'assez professionnel. Non, moi, là, donc c'est peut-être une première œuvre presque professionnelle. Oui, voilà, disons que c'est sûr que j'aimerais continuer. Ben oui, j'aimerais t'es toute jeune, donc ça commence. Là. Oui, voilà, ça commence, on va voir. Et j'aimerais bien continuer et j'aimerais bien pouvoir écrire d'autres histoires. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est vrai que petit à petit, avec le temps, j'aimerais faire les choses aussi de manière professionnelle. C'est-à-dire que là, on était très pro dans la façon de travailler. Ensuite, c'est sûr que c'était une structure où j'essayais d'être structurante pour tout le monde. Mais voilà, c'était... T'essayais aussi d'avoir l'air naturel, c'était ton... Film, oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait, oui. Viens faire la fête. Nous naissons tous fous avec une vie pour guérir. Tant qu'une belle vérité reste à conquérir. Trouver l'idée qui marche 200 ans. L'impression de le faire en plaisantant. Accueillis comme des clowns pas drôles. À la profonde parole des puits de pétrole. Avant que la fortune soit subite. Tous les génies étaient stupides. Couver le feu dans la glace qu'on s'y réunisse des fois. Excusez-nous la réussite. Ceux qui n'aiment pas n'ont qu'à le faire d'abord. Allez mettre plus de 10 personnes d'accord. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec difficile. Tu plein des chansons à la décibelle pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Hein. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibelle, prouver cette chose qui nous la rend si belle. Il faut plus que des qualités pour modestement changer l'humanité. Devenir la première personne des singuliers se passe rarement de façon régulière et de l'œuvre. Comment chiffrer la valeur lorsqu'à table le succès devient la valeur? Le suspense des prochains loyers peut causer des problèmes de loyauté. L'artiste, c'est être droit dans ses bottes, être des 3 sur 10 000 et garder ses potes. Pouvoir rebondir en abondance en gardant votre sourire et puis tant qu'on danse. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibelle pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibelle, trouver cette chose qui nous la rend si belle. Existe et grâce à quelques femmes, pas de milliers d'amis, ni de centaines de femmes. Une vie de famille acrobatique, artiste, c'est pour ça qu'elle t'aime et puis te quitte. A peur d'être archivé parce qu'on fait moins bien, appartenir au passé d'un succès lointain. Y mettre toute son âme et si c'est nul, comprenez que les critiques soient malvenues. Le temps guette, les nouveaux arrivent. Tant de poissons vont s'y ronger la griffe. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibelle pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec difficile. Tu peins des chansons à la décibelle pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Mao Mao Chungi, Da Hao Chungi, Nali Bali, Nali Beijing, Na. Tu Yao Kwai Kwai Chu, Chu Kuo Fa Kuo Pen Yu, Yao Wei Chen Kwai Di, Was Nino, Das Mao, Tu Kui Yang. Si je suis rapide et rusé, quand je fais mes Mao croisés, me disait un Esquimau, c'est grâce à la pensée de Mao. S'il est vrai que plaisir d'amour ne dure qu'un moment très court, moi je dis qu'un bon moment vaut bien de cornes d'éléphant. C'est moi que je suis. Je bois les quarts de rouge. Le quart de rouge, c'est la boisson du quart de rouge. Ting ting, voilà le. Jouko wo tao bei ching tu. Wo tsung fa kuo yao lai le. Wo di pen yu yao cheng wo mao yu ji. Je dîne avec Thérèse, je prends des œufs durs mahonnaise. Thérèse prend un gelati maota, le chat prend du mao pour les chats. Le dimanche en automobile, on va visiter la Sicile, ses plages et ses monuments. Quand on rentre, on est bien content. C'est moi que je suis pour Mao contre Liu Shaoxi. J'ai mon bréviaire de révolutionnaire. Dans tous les bouges, moi je bois les quarts de rouge. Le quart de rouge, c'est la boisson du quart de rouge. Si j'aime bien la marche. à pied, c'est à cause de la société protectrice des animaux qui protège mon chamao. Si la chromolithographie engendre la monotonie, la montagne, ça a du bon, et c'est normal car c'est normal. Monsieur Maurice a été mordu par un guitariste barbu. Monsieur Maurice est moribond, guégué dans son leuricodon. Si je suis rapide et rusé, je fais même ma haute. Years of frustration. Pas non plus que les autres sentent que tu n'étais pas certaine de certains trucs. Oui, aussi. Donc, tu voulais montrer un professionnalisme malgré ton hésitation. Voilà, bien sûr. Oui. Non, mais c'est sûr que. Enfin, c'est sûr que ensuite, je sais pas. Disons que ce qui est compliqué, c'est que qu'est-ce qu'on entend par professionnel en fait, parce que on peut très bien être un grand acteur professionnel et est-ce que on est payé, enfin est-ce que c'est l'argent qui est, est-ce que c'est une façon de faire, c'est ça, la façon de faire. Donc je pense que dans la façon de faire, même si voilà, enfin il y a des choses où je suis pas du tout productrice, donc là je l'ai fait en amateur, enfin. C'est toi qui l'as écrit. Oui, voilà, oui, voilà. Ouais. Tu veux quand même être fidèle à ton imaginaire. Voilà, oui. OK. Oui. Et le résultat, est-ce que c'est vraiment ce que tu avais vu comme récit filmique intérieur, ou il n'y a jamais la même affaire, il n'y a jamais le même résultat entre ce qu'il y a là dans la tête et ce qu'il y a là dans la surface écranique? Bah, disons que j'attends d'en faire plus pour savoir. Non, mais lorsque tu as commencé à faire le film, oui, dans ta tête, oui, j'avais des images très précises. Et c'est ça qui est arrivé. Et disons que par rapport au film, je trouve que c'est très bien de savoir vraiment ce qu'on veut faire. Ensuite, c'est important aussi de se laisser la possibilité de laisser ce qui se passe devant nous exister, et parce que parfois c'est mieux que ce qu'on a dans la tête. C'est réagir face à ce qu'on voit. Voilà, c'est réagir face à ce qu'on voit, et il y a des choses qui sont pas prévues qu'on va garder parce que finalement c'est mieux que. C'est un peu comme le louche. Voilà, bah non, mais. De louche. Ouais. Ouais, okay. Mais c'est un juste équilibre, en tout cas pour moi, entre ce que j'ai dans la tête. Et d'ailleurs, on a pas mal répété avant le tournage, merci, les mots m'échappent, merci de les retrouver. Avant le tournage, on a fait beaucoup de répétitions parce qu'il fallait que tout soit bien calé, parce qu'en plus, comme je joue dedans, il fallait que les acteurs ils soient sûrs de ce qu'ils pouvaient faire. Oui. Donc, il se met en scène et en même temps, il est derrière la caméra. Ah oui, Woody Allen, c'est Woody et les robots, où il est au milieu d'un champ de fruits et de légumes géants. Oui, non, bah, enfin, ah ça, oui, c'est magnifique. Fruits, oh, oui, une fabulation sur les fruits. Ouais. Mais ça vient de là, je pense que c'est... Ah oui, c'est inconscient, mais comme je dis souvent, toi, t'as l'inconscient, pas simplement conscient. Oui. Non, voilà, ouais. Je dis ça souvent pour moi, donc j'ai pas d'inconscient. D'accord. J'ai l'inconscient trop conscient. D'accord, mais je pense que consciemment, mon inconscient. Voilà, on est conscient de notre inconscience. Voilà, oui, voilà. Et c'est ce qu'il faut pas. Exactement. Parce que Freud. Ah oui, il dit que c'est pas bien. Non, il dit pas que c'est pas bien, parce que les psychanalystes ne font pas de mots de cerf. Les psychanalystes doivent faire de l'argent. Ah oui, d'accord. Donc ils fonctionnent sur l'inconscient. Ici, on a l'inconscient trop conscient. Ah oui, ok, il ne fait pas fortune. Ah, oui, ah les pauvres psy. Ouais. Ouais, mais moi j'aime bien la psychanalyse, ça m'intéresse. Parce qu'on peut faire dire n'importe quoi. Ah bah non, mais c'est bien, c'est. Oui. Ouais, moi j'aime bien, ça m'inspire. Exemple, tu as un trouble, tu vas avoir trois psychanalystes, tu vas avoir trois versions différentes. Ouais, c'est vrai. Alors, sans doute. Mais après, est-ce que ça dépend des écoles? Mais c'est aussi l'art de la psychanalyse. C'est. Il n'y a rien de scientifique. Non. Bah, enfin, c'est l'interprétation. C'est l'interprétation, oui. Alors quand tu interprètes, tu peux en arriver à n'importe quel résultat. ça fait un bouton qu'elle n'a pas vu. En fait. Ben oui, ben oui. Oui, oui. Donc c'est ça la pistolerie. Tu payes pour. Ouais, ce côté, c'est normal. Pour. La... En fait, tu payes pour parvenir à ta propre interprétation finalement. Souvent, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est, en fait, c'est de rendre inconscient devant la personne qu'elle dit. De manière consciente. Mmh. C'est de ramener l'inconscient à la conscience. Oui, de oui. La... oui. Si tu mets une caméra et tu parles, oui, tu voilà, regardes un peu, tu visionnes. Voilà. Ouais, bien sûr, mais moi je trouve ça quand même très intéressant. Enfin, je ne cracherais pas du tout sur l'analyse ou la psy, l'écologie et tout, j'aime bien. Quoi. Bah, c'est pas forcément ça, mais c'est j'aime bien lire, je trouve ça toujours amusant. De lire voilà, des bouquins de psy qui expliquent certains modes de comportement. Enfin, je trouve ça inspirant aussi. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas de la psychanalyse. Oui, non, là, c'est pas de la psychanalyse. Okay. Ouais. Là, c'est des bouquins de psychologie, en fait. Oui, tu vois, tu vois les gens marcher, donc tu peux faire une interprétation. Oui, oui, oui. Ça dépend si tu tiens comme oui, ça. Voilà. Comme ça. Ouais, oui, voilà. Oui, c'est l'ethnologie aussi. Okay. Oui. Non, mais franchement, je pense que pour moi, j'avais travaillé en fait avec des psychanalystes. Ah oui? Oui, sur des textes. Okay. Je faisais des lectures pour eux de textes, pas de Freud, mais des textes de Proust. Ou, oui, oui, c'était pour l'école lacanienne. Et c'était assez intéressant de voir leur façon de procéder, d'analyser les choses, etc. etc. Oui. Oui. Mais lorsque tu écris, est-ce que c'est les mots qui t'avaient décidé? Bah, oui, en partie, oui. Disons que ça dépend aussi de ce que j'écris, parce que j'écris pas toujours de la même façon. Comment ça? Bah, ça dépend parce qu'il y a des fois où disons que j'ai pu savoir déjà l'histoire en tête et je vais la déplier petit à petit et je vais être très proche de ce que j'ai en tête. Et puis il y a des fois où au contraire j'ai une idée de ce que je veux faire, mais je sais pas forcément où je veux aller, je vois à peu près. Et là je l'associe les mots me guider. Ok. Est-ce que ça arrive souvent? Ça peut arriver, c'est plutôt pour des choses courtes. Est-ce que ça te surprend lorsque les mots avaient décidé? Ouais, c'est surprenant quand même. Parce que tu ne savais pas que tu allais prendre cette zone-là comme alternative et exactement, tu l'en prends. Des fois, ça peut même te troubler. Oui, c'est troublant, oui. Mais c'est pour ça aussi, moi, ce que je trouve intéressant dans l'écriture, c'est qu'il faut vraiment arriver à une sorte d'état, voilà, et sans aucune censure. Et bon, après, la censure, elle vient dans un second temps, on fait, ah ben non, là, c'est pas possible. Après la relecture. Oui, voilà. Mais je pense que c'est intéressant, dans un premier temps, de pas trop regarder ce qu'on écrit, en fait. De lâcher, voilà, oui, de l'écriture automatique, ouais. Et de lâcher les chiens, on va dire, et puis après, de revenir corriger. Tu laisses le flux littéraire te parvenir, puis par voilà. La suite tu restructures. Oui, mais ça ne marche pas à tous les coups. Non. Sinon, ça peut marcher par moment, c'est-à-dire que. On a la structure du récit, on sait ce qu'on veut raconter, puis par moment, on va laisser voilà, une sorte de digression qui va nous mener ailleurs, et puis on va retrouver le fil, mais c'est sûr que ça ne marche pas à chaque fois. Ça c'est vrai, ça dépend de la magie. Oui, voilà. Créatrice. Oui, oui. Mais lorsque tu écris, est-ce que les demandes viennent à force d'écrire, c'est-à-dire qu'un éditeur ou un journal te voit, te lit, donc on te demande par la suite d'écrire pour... Oui, ça arrive, oui, ça arrive. Disons que c'est... Disons que c'est par rapport au journalisme, bah, parfois c'est moi qui écris à des journaux parce que j'avais envie d'écrire pour eux. Et puis des fois on m'a appelé. Est-ce que les gens sont réceptifs lorsque ça peut arriver. Parfois il y a des portes qui s'ouvrent, des portes qui s'entrouvrent, d'autres qui. Ah écoute, est-ce que c'est rare ou fréquent? Ça dépend vraiment des moments en fait. Ça dépend, disons que je pense que, enfin voilà, je touche encore du bois et j'ai eu de la chance dans mon parcours. Non, j'ai eu beaucoup de choses de travailler, enfin beaucoup de chance de travailler avec des journaux très intéressants et d'avoir en face de moi aussi des rédacteurs chefs qui étaient hyper bien, enfin très ouverts, très pro, qui en même temps te réorientent, en même temps t'entendent. Donc enfin entendre ce que toi tu veux proposer. Et tu te fais audacieuse? Ça dépend. J'essaie. Lorsque tu présentes quelque chose, tu y crois? Oui, j'y crois. J'y crois. Alors, tu défonces des portes? Voilà, je défonce. Disons que j'ai... Poliment. Je suis quelqu'un de très poli, donc... Je sonne. Je sonne quand même. Mais est-ce que tu sonnes et tu frappes ou tu fais juste sonner? Je sonne et je frappe. Okay. Oui, je sonne et je frappe. Ah, mais tu défonces pas? Non, je défonce pas. Okay. Non, je suis pas... Disons que... Ou sinon... Sinon, c'est avec le temps, tu vois. Pourquoi tu ris? Mais, non, mais sinon, c'est avec le temps. C'est-à-dire que je vais... Enfin, je suis quelqu'un aussi de persévérant. Parce qu'il faut de la persévérance et de la patience aussi. Mais t'es pas un pot de colle. Chez nous, on dit un pot de colle. T'es pas un pot de colle. Non, voilà, je suis pas un pot de colle. Je suis un pot de colle. Non, je suis pas un pot de colle. Yeah. Voilà, oui. Voilà, ouais. Non, mais je peux. Enfin, franchement, il y a des fois où tu te dis, en fait, c'est juste que faut pas rester là parce que, c'est comme, non, mais c'est comme tout dans la vie. Il y a des moments où c'est juste parce que, voilà, il faut se retirer, voilà, parce que ça te convient pas et ça convient pas non plus à l'autre qui est en face de toi. Donc, il vaut mieux. Mais t'es pas le genre quand c'est refusé, de dire, regarde, moi, vous êtes un, il n'y a rien compris. Non. Non. Non, parce que j'arrive à me faire comprendre de certaines personnes, alors je me dis qu'il y a des gens qui me comprendront, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est pas forcément une question de réseau, mais c'est par exemple quand tu montes ton film, surtout que là, en l'occurrence, c'est un film comique. Là, on parle de la femme à tête de chou. Là, on parle de la femme à tête de chou, merci de recentrer les choses. Donc, c'est un certain type d'humour, et il y a des gens, ça va les faire rire. D'autres, ça va les laisser complètement hermétiques et vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Il y a des gens qui ont pas l'humour, donc c'est très Mais moi je me dis c'est juste qu'ils aiment pas mon humour et puis il faut tout pour faire un monde, tu vois, je suis pas. Mais est-ce que tu te sens diminuer un peu lorsque les gens trouvent peut-être que cet humour-là est inintéressant? On a toujours envie de défendre son bébé, mais. Oui, c'est plus beau, le plus gentil. Voilà, ensuite on m'a pas dit encore c'est inintéressant ce que tu as fait. Donc donc j'espère pas, je croise les doigts, mais je veux dire, il y a des gens qui n'aiment pas Woody Allen, il y a des gens qui n'aiment pas Bergman, il y a des gens. C'est pas que je me prends pour Woody Allen ou Bergman, mais c'est que on peut pas plaire à tout le monde. C'est un peu. Merci. C'est même les plus grands, il y a des gens qui ne sont pas sensibles. Donc moi c'est mon premier film. Alors il y a des gens qui ne sont pas sensibles. J'ai travaillé comme scénariste avant et oui. Et disons que j'ai fait des courts-métrages, j'étais assistante et tout de courts-métrages, mais c'était mon premier où j'étais vraiment moi derrière la caméra seule. Et devant aussi. Mais ça, j'avais déjà été un peu, c'est plutôt... Non, j'avais été de manière très sérieuse devant la caméra, mais pas derrière. Devant, mais pas derrière. Non, mais en même temps, quand tu fais un film d'humour, est-ce que l'ambiance est sérieuse ou au contraire, l'ambiance est à... C'est un juste mélange. Parce qu'en même temps, il faut être très sérieux quand tu fais... Ça va être très gênant, surtout que comme on avait un temps de tournage très limité, on ne pouvait pas se permettre d'avoir trop de fou rire, parce que sinon... 9 minutes, nous, on l'a tourné en une journée et demie, donc c'est très court, parce qu'il y a des gens qui... Non, payés, les gens sont pas payés. Oui, c'est pour ça aussi. C'était le week-end, donc. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait une comédie, c'est pour que les gens passent quand même un bon moment. On s'amuse bien sur le tournage aussi. Mais on est obligé de travailler sérieusement parce que sinon ça marche pas. C'est comme quand tu joues un Fedo, tu es obligé d'être hyper calé sur le texte, etc. Enfin, le rythme. Sinon, ça passe complètement à côté. Enfin, ça peut être dangereux. Alors, ça demande quand même un certain degré de professionnalisme dans le début, dans la façon. Il faut que tu sois quand même que tu te proposes quelque chose de sérieux pour être. Même si c'est bien des sûr, mots. Ouais. Bien sûr. Et est-ce que tu fais des trucs, exemple des œuvres? Mais bon, on a bien rigolé aussi. J'espère. Je te coupe 2 minutes. On a bien rigolé. Mais ça se reflète aussi dans l'œuvre. J'espère. Vraiment, c'est pince sans lire. Oui. C'est une corde à rêve. C'est vrai, ouais. Donc, on se demande, est-ce qu'ils vont s'esclaffer? Ou pas. Voilà. Ou pas. Parce que c'était un peu burlesque. Oui, c'est vrai que c'est burlesque. Et en même temps, c'est surréaliste. C'est vrai. Donc, ça touche à problème. Après, le super déstabilisant pour la personne qui regarde. Donc, tu te dis peut-être que les comédiens vont eux aussi péter, vont exploser, je ne sais pas. Mais lorsque tu écris, as-tu déjà une idée sur quel médium tu vas centrer la création que tu fais? En général, oui. Après, justement, là, ce qui s'est passé avec la femme à tête de chou, j'étais surprise. Parce que je me suis vraiment dit, en fait, ça m'a pas. Au départ, c'était évident qu'il fallait que je fasse du théâtre avec. Et après, je me suis dit, ben non, c'est vraiment un court-métrage. Parce que là, tu t'es beaucoup mieux. Non, mais ça aurait été un ensemble. Un ensemble de sketchs. Oui, voilà, un ensemble de sketchs. Oui. Et tu crois pas que ça pourrait se reproduire un sketch? Bah, peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être. Écoute, peut-être que ça va me donner une idée. Ouais, non. Bah, pour l'instant, en fait, je suis pas mal occupée sur d'autres courts-métrages que je voudrais développer. Donc il y en a un qui est écrit et je commence à... Enfin, je le relis, etc. Et je retravaille, voilà. Est-ce que ça va ressembler à l'équipe? J'espère, oui, j'espère. Disons que après, il y a des personnages très différents, donc j'espère qu'il y aura d'autres acteurs aussi, parce que aussi, c'est pas du tout la même configuration. Mais tu peux encore la vue du burlesque et peut-être un peu à la saveur de Ionesco, surréalisme et... Ouais, il y a quelque chose d'absurde dedans. En tout cas, oui, mais j'aime bien. Quelque chose un peu. Oui, voilà. Mais je trouve ça très poétique, en fait. Enfin, moi, ça met mon imaginaire en marche. Je trouve que tout ce qui est décalé, tout ce qui est... tout ce qui, en fait... Parlais de Philippe Catherine, ça ressemble un peu à Philippe. Oui, voilà. Mais j'aime... En fait, ce que je trouve très marrant, c'est aussi Philippe Catherine. Quand on voit ses débuts, c'est quelqu'un qui avait un look très rétro, très identifiable, années 60, la petite mèche sur le côté, qui faisait des chansons très structurées, à la fois originales, mais très structurées. Et je trouve très marrant qu'au fur et à mesure qu'il avance dans sa carrière, voilà, ça soit de plus en plus déjanté. Voilà. Oui, non, mais c'est... Enfin, personnellement, c'est... Oui, voilà. Et enfin, moi, c'est vraiment un artiste qui me touche beaucoup et que j'ai subi. Voilà, oui. Oui, tout à fait. C'est toute cette veine-là, en fait, de personnes qui partent de choses très structurées. Boris Vian écrivait des sonnets à un moment. Et puis, voilà, qui tout d'un coup part vers quelque chose de très imaginaire. Et je pense que... Je pense que c'est aussi applicable à Gainsbourg dans une certaine mesure, même si il s'est plutôt exprimé dans la musique. Enfin, il a fait un film, mais j'ai jamais vu son film. J'ai jamais vu son film. Il en a fait 4. Ah, je croyais. J'étais moi non plus. D'accord. Équateur. Ah ouais, je pensais qu'il en avait fait. Ah oui. Il en a fait 3. Il en a fait 3. Mais j'en ai jamais vu. Ah non? Non, jamais encore. Ok, le premier. Je crois que j'ai peur en fait de les voir. J'ai vu des photos. Et j'ai peur de... Parce que j'aime tellement le musicien et le chanteur, enfin, le compositeur, l'interprète. Oui, oui. Mais j'ai un peu peur de voir le film, en fait. Non, mais de voir ses films. J'ai peur d'être déçu. C'est vrai, on ne fait pas autant bien que ça. Qu'en faire, comment, quelque chose m'échappe. Au courant de ce qu'un acte engendre, j'ai pris un peu sur moi, soigné de mes vengeances. Dans mon coin, je passais pour un lascar. J'étais pas le 11e à sauter sur un lascar. On s'attaque pas aux durs, nul n'aime les problèmes. Dans la chaîne animale, il y a la tête des trop faibles. Alors il faut forger ce tempérament, en conservant quelques séquelles apparemment. Pourtant, à chaque fois que je me suis retenu, le mal que je n'ai pas fait m'a soutenu. On fait ce qu'on peut, nul n'est parfait. Je suis heureux du mal que je n'ai pas fait. On fait ce qu'on peut, nul n'est parfait. Je suis heureux du mal que je n'ai pas fait. Il faut être s'il y a peu de remords, on se fait une raison à tout, même à quelques morts. Mes lois sont autres que celles des hommes. Chaque décision est un ultimatum. Notre côté obscur est mauvais conseiller. Les pires choses accomplies le sont sous la colère. C'est comme avoir des cauchemars sous l'oreiller. Le mal est en bourse, nous sommes ses actionnaires. Il faut avoir été innocent tous les soirs pour se permettre de juger qui que ce soit. Trop de cœur pour faire des sentiments. La plume est mon épée, la vérité, le châtiment. Ah, on fait ce qu'on peut, nul n'est parfait. Je suis heureux du mal que je n'ai pas fait. Gagner la guerre, c'est devenir l'ennemi. Faut y penser avant de toucher la mise. Ne pas croire au mal ne vous en protège pas. Les gens légers sont pleins de florilèges pâles. Inconscients de leur potentiel maléfique, leur mauvaise foi est un spectacle magnifique. Même de moyenne humeur, je garde l'aubaine. Pour les fautes pas faites, j'exige un prix Nobel. Tu peux filer droit, les gens te mettent dedans. Tu paieras le mal que tu n'as pas fait, même en guettant. Tu verras. Foi. On fait ce qu'on peut. Nul n'est parfait. Je suis heureux du mal que je n'ai pas fait. On fait ce qu'on peut. Nul n'est parfait. Je suis heureux du mal que je n'ai pas fait. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.